ce matin, c'est qu'en fin de semaine prochaine, donc samedi et dimanche, 7 et 8 février, au cégep de Drummondville, il va y avoir un camp de formation tout à fait gratuit pour les étudiants qui sont intéressés à se rendre là-bas. On leur fournit, s'ils sont à Montréal, le transport gratuit, l'hébergement, les repas, pas un sou à payer. C'est l'AC et les associations étudiantes locales qui payent pour aller assister à ce deux jours de formation-là. Donc, si moi, je suis un corps vert à l'Université Laval, et que j'ai payé, ils sont-tu avec l'AC, vous autres, Laval? Bon, en tout cas, qu'importe, là. Je suis d'une école au Québec qui est avec l'AC, mais moi, je suis un carré vert, ça se peut. N'oubliez pas que la majorité des étudiants, lors du fameux printemps, étaient des carrés verts. Il y avait plus de carrés verts que de carrés rouges, là. Mais avec mes cotisations étudiantes, ils vont se payer ça. Totalement, exactement. Totalement. Exactement. Comme les syndicats qui prennent les cotisations de tous leurs membres, puis ils font de la politique, puis ils bâchent Harper, puis les conservateurs. Monsieur Moras, incidemment, il se bat aussi pour faire retirer aux associations étudiantes le droit de demander des cotisations. Parce qu'évidemment, l'argent, c'est le nerf de la guerre dans les associations étudiantes comme ailleurs. Et c'est avec cet argent-là que le camp de formation du 7 et 8 février va se tenir au cégep de Drummondville. Qu'est-ce qu'il va y avoir là? Deux jours de formation. Premier atelier le samedi, la place de la formation générale au sein de l'éducation post-secondaire. Après ça, racisme dans le milieu étudiant, histoire du mouvement étudiant. Après ça, un dîner. Après ça, panel sur les luttes environnementales. Là, on s'éloigne un petit peu de l'éducation. Après ça, le néolibéralisme et la crise de l'État-nation, une perspective géographique. Culture et austérité. Après ça, c'est le souper. Et après ça, en soirée, présentation d'un film documentaire féministe suivi d'une discussion. Bon, alors ça, là, c'est un agenda qui... Ben, c'est Québec solidaire. C'est le féminisme, l'environnementalisme. Mais les étudiants, est-ce qu'ils votent tous Québec solidaire? Mais aux dernières élections, j'ai vu les résultats, puis à part sur le plateau Mont-Royal, ça n'a pas passé bien fort. Comment ça se fait que l'association étudiante est aussi extrême gauchiste? Est-ce qu'ils ont fait des sondages? Est-ce que tous les étudiants de leurs écoles, de leurs collèges partagent ces idéaux-là? Comment ils ont réussi à avoir à la tête des associations étudiantes une clique d'extrême gauchistes, environnementalistes, féministes? Comment? Je comprends pas ça. Peut-être quelques explications. Le dimanche, le deuxième cours, les instances de l'AC, leur fonctionnement et leur approche, être un délégué et les relations externes à l'AC. Après ça, atelier discussion sur la démocratie dans le mouvement étudiant. Après ça, c'est le dîner. Après ça, panel sur la mobilisation sociale contre l'austérité. Ah, là, on arrive à quelque chose d'un petit peu. Ça s'en vient. Voilà. Et ensuite, on conclut la fin de semaine de formation par une discussion sur les femmes et l'austérité. Alors, vous savez que l'austérité, c'est le mot que les gauchistes emploient beaucoup actuellement pour dénoncer Couillard et son gouvernement. Les artistes ont ça dans la bouche tout le temps. Les péquistes également. Alors, c'est une association qui est très, très biaisée, là. J'ai parlé. Et il y a une manif qui s'en vient. Il y a déjà une date de manif. Oui, absolument. Le 2 avril. C'est le retour des carrés rouges. Exactement. Mais avant ça, il va y avoir d'autres événements. D'ailleurs, je te signale que le congrès de l'AC, pas le camp de formation dont je te parle, qui est en fin de semaine, mais juste un petit peu plus tard, ce mois-ci, le 21-22 février, tout ce beau monde-là va être chez nous, à Québec, pour un congrès. Les détails sont encore à venir, mais le 21 et 22 février 2015, donc dans deux semaines, là, à Québec, le congrès de l'AC. Et là, à ce moment-là, bon, on saura peut-être mieux qu'est-ce qu'ils auront réussi à avoir comme gens à leur camp de formation, comment va commencer à s'organiser ce qu'on appelle la mobilisation. J'ai parlé avec la porte-parole de l'AC, qui est Mme Camille Godbout. D'abord, je lui ai posé la question, Madame, est-ce que j'ai bien compris que c'est totalement gratuit tout ça? On a tellement besoin de monde qu'on leur paye absolument tout. Sa réponse. C'est quelque chose qui est financé justement en partie par l'AC et en partie par les associations étudiantes y participent. Donc, ça n'engendre pas de coût pour les gens y participant. Donc, on dort dans des salles de classe, on fait une cuisine collective, les conférenciers, les conférencières ne sont pas rémunérés, donc c'est vraiment à coût minime. Là. Ils dorment dans les salles de classe? Oui. Oui, on demande aux gens d'amener leur matelas de sol puis leur sac de couchage. Ah, okay. C'est beau. Regarde, simplicité volontaire, c'est parfait. Par contre, comme tu l'as dit, tous les coûts sont défrayés par les associations étudiantes, sans que la majorité étudiante ait été consultée sur l'utilisation de ces sommes-là. Il serait-tu game de faire un sondage? Mettons, on n'a pas les moyens de les obliger, mais est-ce qu'il serait game, en toute démocratie et transparence, d'envoyer façon électronique? C'est facile aujourd'hui, là. Où tu fais un sondage auprès de tous tes membres. Une page Facebook, là. Un sondage, une page Facebook. Tu peux envoyer ça en 5 minutes. Belle affaire. Puis là, tu leur demandes, là. Vous autres, là, les coupures au gouvernement, êtes-vous pas ou comme? Êtes-vous pour qu'on essaie d'enrayer la dette au nom du déficit intergénérationnel? Parce qu'en passant, c'est pas les baby boomers puis les vieux qui payent, puis nous autres un peu aussi, là, mais ça va être les jeunes qui vont payer. D'un coup que dans le sondage, les jeunes disent « Hey, l'austérité, on est pour ça. » Parce que nous autres, on veut pas se ramasser avec une dette de malade puis payer pour payer le bill de nos parents. Sont-tu game de faire ça? Ils font tellement le jeu des gauchistes. Le pire, c'est qu'ils font le jeu des vieux, en passant. Puis des retraités, puis tous ceux qui ont passé à la gratte un peu, puis ont été gâtés, là. Ces jeunes-là, ça devrait être les plus pro-austérité en disant « Wow, coupez maintenant! » Sinon, ben qu'on arrive, nous autres, pour profiter des services au gouvernement du Québec, la banque, elle va être vide. Pas si vous me comprenez. Très bien. Ils devraient être en faveur, mais qu'ils fassent un sondage. Ils jouent tellement la game des syndicats, c'est incroyable. Ben forcément, eux, ils veulent avoir des appuis, donc ils sont obligés de rentrer dans des luttes environnementales, dans des luttes féministes. Ben, c'est donnant-donnant dans ces groupes-là. Si je t'appuie pour la cause étudiante, ben tu m'appuies pour la cause féministe, tout ça. Bref, je continue mon entretien avec Camille Godbout, porte-parole de l'AC. Je dis, Madame Godbout, c'est quoi exactement l'objectif de ce camp de formation-là? Pourquoi est-ce qu'on fait ça au juste? Ben c'est sûr que pour nous, c'est une occasion de se rassembler, de se réseauter aussi, justement, parce que c'est des gens des quatre coins de la province qui vont y participer. Cette année, c'est sûr qu'on tient compte du contexte politique actuel. Donc, comme vous avez pu le remarquer, probablement, il va y avoir un panel sur la mobilisation sociale contre le CRT. Donc, comme on a lancé justement le message à M. Couillard, à M. Bolduc, que s'ils s'obstinent à aller de l'avant avec leur projet de CRT, ben nous, on va se retrouver mobilisés, puis ils peuvent s'attendre aussi à ce que ça soit un printemps qui va être très chaud. Je vous rappelle que l'AC a déjà annoncé une grosse manifestation à Montréal pour le 2 avril. Ça me rentre pas dans la tête. Les étudiants devraient être les plus en faveur de l'austérité. Les plus. Alors que c'est exactement l'inverse. Ils vont être dans la rue parce les syndicalistes vont tellement être morts de rire de les voir aller au BAP dans la rue pour eux autres. L'enfer. Fait que ça va être, ils vont essayer, là. On ne sait pas si ça va être comme le dernier printemps, là. Mais ils vont se réchauffer. Ils chauffent la machine, en tout cas. Et voilà. On passe par un camp de formation, après ça, un congrès. C'est ce qu'on vous annonce ce matin. Exactement. Et là, dernière question que j'ai posée à Mme Godbout, on le sait, tu en as parlé tantôt, le FM 93, deux de nos animateurs soutiennent activement Jean-François Maurras. J'ai posé la question à Mme Godbout, parce qu'évidemment, ça vise l'AC aussi que ce débat-là. Alors, quel commentaire, Mme Godbout, faites-vous quant à l'implication de deux de nos animateurs aux côtés de Jean-François Maurras? Ben écoutez, c'est sûr que c'est leur choix personnel de participer. Nous, à l'AC, on dénonce justement cette judiciarisation un peu du mouvement étudiant en général. C'est quelque chose qui vient vraiment aussi contourner l'appareil démocratique dont se sont dotées les associations étudiantes et qui, elles-mêmes, sont souveraines justement de leur statut règlement, de ce qui se passe à l'interne. Si jamais, par exemple, ils venaient au camp de formation, ils pourraient constater l'ampleur du mouvement étudiant, puis notre capacité aussi de mobiliser, puis notre force à le faire aussi. OK. Camille, on l'a pas, là, parce que ces gens-là veulent pas trop me parler en direct, là, mais mettons que je l'aurais eu, j'écoute bien, là. Toi, t'es contre la judiciarisation des conflits. Parce que, bon, Maurras, Nadeau-Dubois s'entendent pas, etc. Tu veux pas qu'on aille devant les tribunaux pour régler ça, c'est ça? Non, je veux pas. On doit pas judiciariser. Bon, ben, qu'est-ce que tu me proposes? Je suis en guerre avec toi, je suis pas d'accord. Qu'est-ce que je fais, là? Moi, dans une société civilisée, une société de droit, je pense qu'un conflit, ça se règle devant un juge. Pas tout le temps. Idéalement, tu le règles entre toi, là. Tu sais, tu jases. Mais mettons, tu t'entends vraiment pas, là. T'as un conflit majeur, rien à faire. Tu vas faire trancher ça par le juge. Qu'est-ce que tu me proposes d'autre? Descendre dans la rue, brasser de la merde, bloquer des gens. Un camp contre l'autre, ça va être beau. Un camp, c'est ça que tu veux? On se donne rendez-vous, sur Grande Allée? On se donne rendez-vous au Rakabessic après l'école, à l'arcade. Les verts contre les rouges. Au Galaxy, je sais pas moi, ça s'appelait de main dans mon temps. C'est ça que les jeunes faisaient, là. Au Galaxy à 16h, on va se battre en arrière. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est une déclaration tellement irresponsable de dire on dénonce ça, nous autres, la judiciarisation puis le recours aux tribunaux. Mais qu'est-ce que tu nous proposes d'autre? La merde que vous avez faite pendant des mois à Montréal? Ça dérange qui qu'on va devant les tribunaux? Paye un avocat, tu t'en vas devant le juge, puis go. C'est le même qu'on fait. Dans une société de droit. Mais dans quel monde vous vivez, vous autres, les carrés rouges? Les gros bras, l'intimidation, on descend dans la rue, on gueule, on crie, on fait peur au monde, on prend des victimes innocentes, toi tu veux circuler, t'es un commerce, on te pète les vitres, etc. C'est ça votre monde? Monde qui est applaudi par les gens, par la petite clique à Montréal de journalistes et d'artistes, sont tous derrière vous autres, sont tous pâmés. C'est le même! Ben c'est ça, on va se donner rendez-vous. Mais watch out, par exemple, préparez-vous, ça se peut qu'on soit plus nombreux que vous autres. Fais juste vous dire ça. Vous n'aurez pas tout le temps l'avantage dans la rue, là. Là, vous êtes seul, on vous la laisse. Parce qu'on travaille, on n'a rien d'autre à faire. Mais si vous nous dites, allez pas devant les tribunaux, je veux pas y aller, moi, je compte toute forme de violence. Mais on règle ça comment, là? Ah, ben, on règle ça, toi, reste chez vous, puis moi, je m'en vais dans la rue, puis je crie, puis je hurle. Non, pas tout le temps, là. À un moment donné, on va sortir aussi, nous autres. S'ils vous donnent tout, la dernière fois, vous avez tout eu, tout gagné. Là, si vous sortez dans la rue contre l'austérité de Couillard, puis tout ça, puis vous voulez le retour au déficit, puis en way go, puis on augmente les taxes puis les impôts, c'est ça que vous voulez? Je suis pas sûr que vous allez être tout seul dans la rue. je parle pas de violence ou d'affrontement armé, mais je parle de ce que vous avez fait. On est capable de le faire. Ça demandait pas beaucoup. Hein. C'est la voie que vous avez prise, c'est la voie facile. Hein. Aller devant un tribunal, faire un cocktail de financement, prendre un avocat, trouver des arguments, plaider sa cause. Compliqué, ça. Aller dans la rue avec une pancarte, péter des vitres, manifestation illégale, donne pas ton trajet, tu cries, tu hurles. Pas capable de le faire. C'est sûr que c'est plus facile de ramasser de l'argent quand t'es obligé par la loi de donner une partie de tes cotisations à l'association étudiante. Alors moi, je continue de ne pas, mais je trouve que c'est un discours dangereux qui incite à dire éviter, faut pas aller devant les tribunaux. Tu me proposes quoi comme autre solution? Ben, dans le fond, ce qu'elle veut, c'est qu'on ferme notre gueule. Elle veut pas qu'on descende dans la rue. Elle, sa solution, c'est respecter la démocratie étudiante. Hey, vous êtes 100 dans une assemblée pour au nom de 30 000 personnes, déclencher une grève. Belle démocratie, vote à main levée en plus. Bullshit, fais voter tout le monde. Si tu veux me parler de démocratie, fais voter tout le monde. Là, je vais respecter ça. Tant que ça va être des petits clics, là, il n'y a aucune démocratie là-dedans. Moi, il faudrait que je ferme ma gueule, puis je regarde passer en parade dans la rue, puis on s'effoire, puis on paye des taxes, des impôts à malade. Non, ça marche plus. Le prochain printemps, selon moi, s'ils veulent en refaire un autre, nous prônerons encore la voie de la légalité et des tribunaux. Mais si ça marche pas, eux autres, ils veulent rien savoir, puis ils nous intimident, puis tout, ben on ira dans la rue aussi. Et les carrés verts, s'il y a une manif de carrés verts, moi, je pense qu'elle pourrait être plus grosse que la manif des carrés rouges. Si tout le monde se ligue, ça sera une manifestation évidemment paisible et pacifique. Mais là, si les deux camps se retrouvent dans la rue, moi, je veux pas ça, là. Je veux pas ça. Alors, eux ont décidé, suite au succès de leur dernier printemps, donc de faire un petit camp de formation. Puis de ils commencent, ils chauffent la machine. Ils chauffent la machine. C'est traditionnellement comme ça. Tu commences à aller chercher les militants gratuits. À suivre. Si vous avez des commentaires là-dessus, studio@commercialfm93.com. Si vous voulez continuer à judiciariser les conflits, aller devant les tribunaux, si vous pensez que c'est la belle façon, moi je le pense toujours, là, fondation1625.com, on continue de récolter vos dons. Il y a deux